bruit pour du liquide. L'argent ne fait pas le bonheur, tu l'as bien vu pour ça en liquide. Tu fais un conseil, mais plus deal, je te conseille le deal. C'est mieux closé, facile à dire, mais c'est véridique. Je viens de dire ce que j'ai sur le cœur, mec. Écoute ce son, il fait des peurs, mais on fait ce qu'on peut ici. Même si les Schmitt nous deux, mec, ils parlent tous. Soi-disant, les gens ici, ils savent tout faire. Fais pas le fou, frère, je m'en fous que tu sois sous terre. La nuit, on s'en en gratte en dragon pillave. À la recherche des billards, quand tu le temps, demande à Kilam. Tu mon pote, mais tu peux fiable. Le cerveau, tu me l'as scié, le cœur plié. Mon pote, quand t'as pas, tu prends ce qu'il y a. Nino le sait, prêt à tout pour la Yema. Même si on t'aime pas, tu te fais gonfler, on te sépare. Faut que ça pète. L'amour, on en a pas. Si tu veux faire l'indique, tu finis dans la tarte. Je suis en pleine poursuite, civil énervé sur le rétro. Qu'on soit en cross ou en quad, crois pas qu'on rétro. Je passe première, deuxième. On veut la première place, mais on s'en fout d'être deuxième. Tous les jours pour nous c'est la crade. Le charbon, le chantier ou le taf aux plaques. Crois pas qu'on aime le charbon et vendre des plaques. Juste pour avoir des lobes, on fait ce qu'il faut. Tous les jours pour nous c'est la crade. Le charbon, le chantier ou le taf aux plaques. Crois pas qu'on aime le charbon et vendre des plaques. Juste pour avoir des lobes, on fait ce qu'il faut. Mettre à l'affût, oui, pour du liquide. L'argent ne fait pas le bonheur, tu l'as bien vu pour ça en liquide. Tu fais un conseil, mais plus deal, je te conseille le deal. C'est mieux closé, facile à dire, mais c'est véridique. Non, je fais pas du son pour la somme. 100% on monte un coup dur, on récolte ce que l'on sème. Le retranscrit en écriture, ouais, j'écris dur, je reste crédible. Demande à Eddie, les épreuves font des fissures dans les cœurs et ça c'est prédit. On cavale après le bonheur avec des béquilles. Mais Hamdoulé, en tout honneur, je remercie, tu sais qui. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Demande au mien où c'est le fameux, ce son là. N35 Airbag, tu sais d'où il vient. Je veux le dollar en évitant d'être dollar. Toujours la haine contre eux, ouais, stup égal connard. J'aime pas mon argot, j'aime pas mon art. Tu veux me dire ce que j'ai à faire, j'ai pas mon dard. Tous les jours pour nous c'est la crade. Le charbon, le chantier ou le taf aux plaques. Crois pas qu'on aime le charbon et vendre des plaques. Juste pour avoir des lobes, on fait ce qu'il faut. Tous les jours pour nous c'est la crade. Le charbon, le chantier ou le taf aux plaques. Crois pas qu'on aime le charbon et vendre des plaques. Juste pour avoir des lobes, on fait ce qu'il faut. Tico, c'est ça la vie, arrête tes sales manies. Tu peux pas savoir toute la haine que je canalise. J'ai passé l'âge de faire des outrages. Je m'en vais au large, je garde mon courage. J'ai vu des hommes qui se maquillent, des filles qui finissent maquées. Vas-y, avoue qu'on taquine, mon pote, mais le sang au taquet. Nous on déchire, et toi t'es gyrophile. T'es fait plaisir, amène les petits, tu check en pire. C'est un son pour les causes, dans la merde, nous on y est tous. Vas-y, fais un petit sourire, même si t'as le blues. MC, t'as beau courir, nous on fait pas la course. T'as vu ce qu'on a, vois ce qu'on peut avoir. Mental de son art, les flics en arc. Sans qu'être tous, nous on baisse pas la voix. Hélas, faire les faux, nous on progresse, on fait l'effort. Ce qu'on écrit, ce qu'on pense, à venir tête, on pète le score. Nique les poteaux, qui te baise. Un art de dingue, un art de vainqueur. Wiki, te blesse, moi, je rappe pas pour frimer. Donc ferme tes fesses, art de danger qui m'était volé. À faire tourner dans tous les jours pour nous, c'est la crade. Le charbon, le chantier ou le taf aux plaques. Crois pas qu'on aime le charbon et vendre des plaques. Juste pour avoir des lobes, nous on fait ce qu'il faut. Tous les jours pour nous c'est la crade. Le charbon, le chantier ou le taf aux plaques. Crois pas qu'on aime le charbon et vendre des plaques. Juste pour avoir des lobes, nous on fait ce qu'il faut. Tous les jours pour nous c'est la crade. Le charbon, le chantier ou le taf aux plaques. Crois pas qu'on aime le charbon et vendre des plaques. Juste pour avoir des lobes, nous on fait ce qu'il faut. Tous les jours pour nous c'est la crade. Le charbon, le chantier ou le taf aux plaques. Crois pas qu'on aime le charbon et vendre des plaques. Juste pour avoir des lobes, nous on fait ce qu'il faut. On aime être à l'affût, oui, pour du liquide. L'argent ne fait pas le bonheur, tu l'as bien vu pour ça en liquide. Tu veux un conseil, mais plus deal, je te conseille le deal. C'est mieux closé, facile à dire, mais c'est véridique. Crois pas qu'on aime être à l'affût, oui, pour du liquide. L'argent ne fait pas le bonheur, tu l'as bien vu pour ça en liquide. Tu veux un conseil, mais plus deal, je te conseille le deal. C'est mieux closé, facile à dire, mais c'est véridique.